On enchaîne avec autre chose. Gouverne la Russie. Pour de nombreux spécialistes et historiens, c'est incontestablement le KGB, ou plutôt son avatar d'aujourd'hui, le FSB. Le KGB dont Poutine a été un zélé serviteur. Le KGB qui tire les ficelles de l'histoire russe depuis plus de 30 ans. Depuis qu'un certain Yuri Andropov s'est installé à la Loubianka, siège redoutable et redouté de la police politique soviétique, l'ancienne Tchéka des premiers temps de la Révolution. Ainsi, tous les changements spectaculaires constatés en URSS dans les années 80, Perestroïka et Glasnost, auraient été décidés dans le secret des bureaux du KGB et peut-être même la fin de l'Empire soviétique. En effet, si l'on considère objectivement la situation de la Russie contemporaine, on constate que des hommes de l'ex-KGB se sont installés au plus haut poste du pays et ont largement profité de la manne financière des privatisations et de la corruption. Alors, cette semaine, M. X m'a proposé de me parler de l'homme qui a porté le KGB au pouvoir, cet Andropov, qui demeure un personnage mystérieux. Était-il ce personnage libéral, ouvert aux mœurs occidentales, qui, s'il n'était pas mort prématurément, aurait transformé l'URSS en profondeur, ou n'était-ce qu'un néo-stalinien qui cachait son jeu? Il est en effet difficile d'oublier qu'Andropov, pendant les 15 ans où il a dirigé le KGB, a traqué impitoyablement les dissidents. Il naît jusqu'à sa mort qui ne pose des questions mort naturelle ou assassinat. Dans un instant, M. X essaie d'y voir plus clair. Rendez-vous avec X. Je crois vous l'avoir déjà dit, le premier dirigeant qui a secoué le cocotier soviétique, c'est Khrouchtchev. Ouais. Et après lui, il était inévitable qu'un jour ou l'autre, le système craque. Parce que la déstalinisation portait en germe la dislocation du régime. Mmh. Pourtant, après lui, il y a eu Brejnev. Oui, pendant 18 ans. La revanche des apparatchiks. Mais Khrouchtchev avait ouvert une brèche. Alors, venons-en à Andropov, qui est certainement l'un des personnages les plus intéressants de l'ex-URSS. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais quand il est arrivé au pouvoir, à la mort de Brejnev, les Occidentaux ont découvert un dirigeant soviétique atypique. Ouais, enfin, en tout cas, un type qui tranchait avec les vieillards du Politburo. C'est certain. Andropov était présenté comme anglophone. On disait qu'il aimait le jazz et le whisky, qu'il vivait de façon modeste et que sa fille, journaliste, était mariée à un acteur. Ouais, bref, tout le contraire de Brejnev. Oui, disons-le tout de suite, Yuri Andropov, spécialiste en communication, avait soigneusement peaufiné son image. À destination des Soviétiques? Et surtout de l'Occident. L'objectif, c'était d'abord de faire oublier qu'il venait de diriger le KGB pendant près de 15 ans, quand même. Enfin, n'allons pas trop vite. Ce qui est remarquable, c'est que cet homme, prétendument nouveau, avait suivi une carrière parfaitement orthodoxe. Bon alors, racontez, enfin, vite fait. Oui, Andropov est né au début de la Première Guerre mondiale, dans le nord du Caucase, comme Gorbatchev, d'ailleurs. Et Gorbatchev qui sera, d'ailleurs, son protégé. C'est exact. Ça, son père était cheminot. À 16 ans, le jeune Yuri travaille déjà comme ouvrier et s'engage dans les Komsomol. Oui, c'est-à-dire les jeunesses communistes. Oui. Il devient ensuite batelier, puis télégraphiste, tout en progressant dans l'appareil du parti. Et il a à peine 25 ans lorsqu'il devient responsable d'un comité de Komsomol et s'inscrit dans une université technique. Oui, c'est alors quoi. Un apparatchik. Et un jeune militant modèle promis à grimper dans les hiérarchies. D'autant que les purges staliniennes ont creusé de nombreux trous dans l'appareil. Au début des années 50, il est appelé à Moscou. Et est alors chargé des relations avec les partis communistes des pays frères. Ça lui vaut d'être ensuite nommé conseiller d'ambassade en Hongrie, puis ambassadeur. Oui, il va jouer un rôle important lors des événements de Budapest en 1956. On en a déjà parlé, je vous le rappelle. Je vous rappelle simplement qu'il agira avec un grand machiavélisme et contribuera à tromper les dirigeants hongrois. Ça lui vaudra d'être promu. Et quand il revient à Moscou, il entre au secrétariat du comité central et en devient chef du département des affaires étrangères. Oui, alors dès lors, c'est déjà un dirigeant qui compte. Assurément. Même s'il est assez peu connu de l'opinion soviétique. En 1964, signe indubitable de son ascension, c'est lui qui prononce le traditionnel discours d'hommage à Lénine. Discours annuel, hein, c'est ça. Et, mais Khrouchtchev est encore au pouvoir, oui, là. Oui, oui. Hein? Et Andropov ne se prive pas de lui envoyer des fleurs. Bien, alors, on le range alors dans le camp des anti-staliniens. Ouais. Alors, quand Khrouchtchev est démis et remplacé par Brejnev, qui va siffler, si j'ose dire, la fin de la déstalinisation, que va-t-il lui arriver? Eh bien, Andropov, contre toute attente, surnage. Il garde son poste au comité central et 3 ans plus tard, il est nommé patron du KGB. Ça veut dire qu'il a donné des gages de fidélité au nouveau pouvoir. C'est évident. Mais en même temps, il faut bien savoir qu'il hérite d'un poste à haut risque. La plupart de ses prédécesseurs ont mal fini. Sous Staline, ils ont été purement et simplement liquidés et après Staline, ils ont été victimes de disgrâces. En outre, Andropov arrive à la tête du KGB à un moment où cet organisme policier est grandement affaibli. Pourquoi ? À cause de la déstalinisation ? En partie, oui. C'est le KGB qui a géré le goulag et conduit la répression. Par conséquent, il a cristallisé tous les reproches. Il a même perdu son autonomie, car il est désormais soumis au contrôle du parti. Mmh. Alors, si je vous suis bien, alors, en lui confiant la tête du KGB, on ne lui a peut-être pas fait un cadeau. C'est ce que je crois, oui. Mais c'est sans compter avec l'habileté de Youri Andropov. Car le nouveau patron du KGB est bien décidé à redonner à ce comité pour la sécurité de l'État son lustre et sa puissance d'autrefois. Alors, dans quel but Il s'agit clairement pour Andropov d'en faire un instrument de conquête du pouvoir. Bon, encore une fois, n'allons pas trop vite. Ouais. Andropov, donc, va commencer par réorganiser complètement un organisme dont le personnel est démotivé. En fait, il va procéder à un véritable retour aux sources. Dès son arrivée à la tête du KGB, il affirme qu'il faut revenir à l'esprit tchéquiste des débuts. La Tchéka de Dzerzhinsky. Oui, et il rappelle que le KGB est d'abord là pour défendre le pouvoir soviétique contre tous les dangers qu'il menace, à l'extérieur comme à l'intérieur. À l'extérieur, il s'agit d'espionnage. Bien sûr. Et sous Andropov, le KGB connaîtra de nombreux succès en matière de renseignement. C'est sous son autorité, d'ailleurs, que les agents soviétiques se livreront à un pillage systématique des connaissances scientifiques occidentales, ou mèneront d'importantes opérations de désinformation. Mais ce sont certainement les activités intérieures du KGB qui passionnent le plus Andropov. Or, il y a fort à faire. Ah, dites-moi, quelles sont exactement les prérogatives du KGB à l'intérieur même de l'URSS ? Ah ben, elles sont innombrables. Le KGB est chargé de réprimer les atteintes à la sûreté de l'État, de surveiller les frontières, d'assurer la protection des secrets et documents confidentiels, de lutter aussi contre le terrorisme, la contrebande et le trafic de fausses monnaies, etc. Bref, le KGB peut intervenir dans pratiquement tous les secteurs de la société soviétique. Oui, à peu près ça, oui. Et justement, c'est pour réduire ce pouvoir exorbitant que Khrouchtchev avait décidé de porter atteinte à son indépendance. Mais Andropov, qui va mener une active politique de recrutement, va faire en sorte de reconquérir peu à peu l'intégralité de ses attributions. Et en 1973, je crois, il obtiendra de recouvrer son autonomie et aussi d'entrer en tant que président du KGB au Politburo. Politburo, qui est l'instance suprême de l'URSS. Hein, oui. Ça. Toutefois, là où Andropov va innover profondément, c'est dans le traitement de l'opposition politique. C'est-à-dire les dissidents ? Oui, ceux qu'on appelait ainsi en URSS. C'est-à-dire ceux, essentiellement des intellectuels, qui osent contester le pouvoir et l'omnipuissance du parti. Mmh. Et il va innover, mais ça veut dire quoi ? Là où autrefois le système soviétique usait de brutalité et instruisait des procès mal ficelés, et pour tout dire assez ridicules, Andropov, lui, va utiliser des moyens plus sophistiqués. Il a d'abord créé un nouvel outil de surveillance, le fameux 5e département du KGB, un organisme exclusivement chargé de combattre la dissidence idéologique. Un nouvel organisme de répression, soyons clairs. Oui, le 5e département infiltre les groupes de dissidents, met sur pied tout un système d'écoute. Jusqu'à maintenant, c'est assez classique. Oui, mais enfin, ce qui l'est moins, c'est le traitement de la dissidence. Expliquez. Pour Andropov et ses collaborateurs du KGB, le dissident n'est plus seulement un opposant politique, c'est un malade. Et ça signifie quoi ? C'est un être asocial, incapable de s'intégrer dans la vie soviétique, un type anormal, quoi. Ah oui, mais par conséquent, il faut le soigner. C'est ça. Voilà. Et ça ne sert donc à rien de l'envoyer en prison. Il faut au contraire essayer de le guérir. Ouais, en hôpital psychiatrique. Exactement. C'est horrible, mais c'est la vérité. Ce bon monsieur Andropov, ce dirigeant soviétique occidentalisé, et cultivé et ouvert, a inventé l'internement psychiatrique pour soigner les dissidents. Je vous laisse imaginer les méthodes qu'on a utilisées pour les guérir. Quoi, les drogues en particulier, mais enfin, ces traitements. Ouais, ces traitements ne pouvaient pas être appliqués aux dissidents les plus prestigieux. Ouais, bah, Solzhenitsyn, oui, qui posait un vrai problème aux autorités soviétiques. Surtout quand il s'est vu décerner le prix Nobel de littérature. Alors, après avoir en vain essayé les caresses, Andropov a pris la décision de l'expulser à l'étranger, de lui retirer sa nationalité. Bon, restait aussi le cas de l'autre dissident le plus célèbre et le plus remuant, Andrei Sakharov. Celui-là, on ne pouvait pas l'expulser à l'ouest. Ah oui, parce qu'il était le père de la bombache. Ah hein. Oui, qu'il détenait donc des secrets scientifiques. Alors, pour neutraliser le savant, Andropov a choisi l'exil intérieur. Mais c'était à Gorki, hein, si je ne me trompe. C'est exact, oui. Un exil qui n'altérait ni sa santé, ni sa capacité de travailler. Et curieusement, pour l'opinion soviétique, cette façon d'agir avec les dissidents a plutôt été portée au crédit d'Andropov. Après tout, sous Staline, ces hommes auraient été purement et simplement liquidés, ou au mieux envoyés au goulag. Et alors, ça c'est l'opinion soviétique, mais l'opinion internationale? Là encore, la politique d'Andropov a produit des effets pervers. Naturellement, les persécutions contre les dissidents ont soulevé des vagues de protestations. Et le président Carter, en particulier, a fait de la question des droits de l'homme un point central dans l'amélioration des rapports entre les deux superpuissances. Andropov est donc devenu une sorte d'arbitre du dialogue Est-Ouest. Dans sa stratégie de conquête du pouvoir, c'était là un élément essentiel. Rendez-vous avec X. Il semble bien en effet que Youri Andropov a minutieusement construit son image, dans le but de succéder à Brejnev le moment venu. Voici par exemple ce que je lis dans l'ouvrage du biologiste dissident Jaurès Medvedev, Andropov au pouvoir. Avant son affectation au KGB, Andropov était connu pour ses amitiés littéraires et artistiques. Sa fille, Irina, s'était mariée à Alexander Filipov, acteur au théâtre populaire d'avant-garde Taganka, et il devint l'ami de Youri Lyubimov, directeur de ce théâtre, un créateur et un acteur de talent. Ses rapports avec le théâtre étaient discrets. Il y avait sans cesse des problèmes avec le ministère de la Culture et autres chiens de garde idéologiques, et il essaya de protéger Lyubimov. En fait, ses relations littéraires ne furent pas inutiles au KGB. En 1970, une grande partie de la population ne se souvenait plus des crimes commis sous Staline et les censeurs veillaient à taire cette information. Une campagne bien orchestrée visant à améliorer l'image de marque de service de sécurité fut lancée dans la littérature, au cinéma et au théâtre. Les romans policiers redevinrent un genre populaire et des films, des pièces de théâtre et de grands feuilletons télévisés louèrent l'héroïsme des agents secrets soviétiques pendant et après la guerre. Lentement, l'attitude du public commença à changer. Toutefois, Andropov disposait d'une arme encore plus puissante pour se poser en recours, la lutte contre la corruption. La corruption des élites. Oui, une corruption généralisée. Les hiérarques soviétiques vivaient de façon dispendieuse et bénéficiaient de privilèges exorbitants. Dachas, voitures de luxe, possibilité d'acheter des biens occidentaux dans des magasins qui leur étaient réservés. Alors que Andropov, lui, vivait modestement, avez-vous dit. Oui, ça lui était donc d'autant plus facile de dénoncer la corruption. Mais il lui fallait être très prudent et procéder par étapes. Et surtout ne pas s'attaquer tout de suite aux principaux dignitaires du régime. Bien entendu. Ça, hein. Et une première occasion lui est offerte peu après son arrivée à la tête du KGB. Une nuit, un important responsable de la région de Leningrad, un certain Tolsikov, fait la fête sur un bateau de plaisance. Alcool, jolies filles. Bientôt tout le monde est ivre. Et le bateau franchit la limite des eaux territoriales soviétiques. Repéré par un bâtiment des gardes-côtes, il est arraisonné et tous ses passagers sont ramenés à terre afin d'y être interrogés. Je vois où vous voulez en venir, là. Ce Tolstikov, là, fait état aussitôt de ses hautes fonctions politiques, ça. Naturellement, oui. Ça rappelle une histoire très récente, en fait, ça. En effet, oui. Donc, Tolstikov, malheureusement pour lui, est dépourvu de papiers justifiant de sa qualité. Et le douanier qui l'interroge prend la décision d'avertir la direction du KGB. Immédiatement informé, Andropov ordonne que Tolsikov soit relâché. Mais en même temps, il adresse au douanier une lettre de félicitations. Bizarre ça, dans quel but là ? Empêcher que l'affaire soit étouffée. Ah. Et c'est particulièrement habile. Pour éviter le scandale, le Kremlin est obligé de démettre le fêtard. Mais Andropov va faire encore plus fort. Il est bien placé pour savoir que le Parti communiste soviétique fonctionne comme une véritable mafia. Ce que permet sa structure pyramidale. Bien sûr. Du haut en bas, on gruge l'État en truquant les statistiques, en volant, en recevant des pots de vin. Et Andropov veut faire un exemple. Et il s'attaque au clan qui met en coupe réglée l'une des républiques soviétiques, l'Azerbaïdjan. Et pourquoi l'Azerbaïdjan en particulier ? Parce que la corruption y était évidente, trop voyante si vous voulez. Donc Andropov a donc chargé le chef local du KGB, Aliyev, de nettoyer les écuries d'Ogias. Avec quel résultat? Ah ben, le coup de balai est spectaculaire. Ce sont tous les plus hauts responsables de la République qui sont démis de leurs fonctions. Mais la corruption aura-t-elle été éradiquée pour autant? Ça, c'est une autre question. Pourquoi, là? Bon, parce que le poison était imprégné depuis trop longtemps. Mais déjà, Andropov pensait à une nouvelle opération main propre. Alors, où cette fois-ci, là? En Géorgie. Et là, c'était une autre paire de manches. Pourquoi? Ben parce que la mafia locale était encore plus puissante qu'en Azerbaïdjan. Dans cette république, c'était une véritable bande armée qui était au pouvoir. Un clan qui était décidé à se défendre, les armes à la main, si on touchait à ses privilèges. Enfin, ce clan, c'était... si je vous ai bien suivi, c'était l'appareil du parti. Bien sûr. Et les hommes du KGB, envoyés sur place, ont essuyé plusieurs attentats et ont dû se déplacer dans des voitures blindées dont les vitres étaient à l'épreuve des balles. Et le résultat, alors, là encore? La mafia locale a subi de nombreux coups, mais n'a pas été démantelée. Toutefois, le nouveau patron du PC géorgien, Chevarnadze, a pu constituer des dossiers suffisamment précis pour contrôler les mafieux et les tenir à distance. Mmh. Oui, mais au fond, pourquoi ne pas aller jusqu'au bout? Parce que tous ces dirigeants corrompus avaient des antennes en haut lieu. Et en Kremlin? Bien entendu, et même Andropov était impuissant à rompre ses liens. Les révoquer, c'était possible. Les faire passer en jugement, alors là, impossible. Mais il n'était pas du genre à se résigner. Il a donc d'abord joué assez finement, en rendant public certaines informations sur sa lutte contre la corruption. Des informations, là, destinées à l'opinion soviétique? Non, la presse n'était pas encore prête à publier ce genre de nouvelles. Brejnev ne l'aurait pas permis, d'autant que certains des corrompus traqués par Andropov appartenaient au cercle de ses proches. Les cercles, les proches de Brejnev. Oui. Alors, comment Andropov a-t-il procédé? Mais il a fait passer des informations à l'Ouest. En particulier grâce au fameux journaliste Victor Louis, qui était en fait un agent du KGB. Oui, vous en avez parlé déjà. Hein. Et en opérant ainsi, Andropov faisait coup double. Non seulement il améliorait son image à l'Ouest, mais il prenait aussi des garanties. Oui, contre d'éventuelles mesures de rétorsion du Kremlin? Évidemment. C'est d'autant plus vrai que le patron du KGB avait personnellement informé quelques journalistes influents à Moscou et qu'il avait aussi fait savoir au sommet de l'État qu'il possédait des dossiers. Des dossiers compromettants sur les hiérarques du Kremlin? Bien entendu. Ouais. Et bientôt, quand il s'est senti assez fort, il n'a pas hésité à s'attaquer à l'entourage direct de Léonid Brejnev. À qui en particulier? La propre fille de Brejnev, Galina, et à ses nombreux amis. C'était d'autant plus facile pour Andropov que le KGB était officiellement chargé de la protection de la famille du numéro 1 soviétique. Oui, donc par conséquent, il n'ignorait rien de la vie de cette Galina. Et de ses combines. Ouais. Peut-être un mot sur cette Galina. Volontiers. Galina avait toujours été une source de tracas permanent pour son père. Il faut bien avouer que Léonine n'avait pas fait grand-chose pour la ramener à la raison. Galina, pour faire simple, était une mangeuse d'hommes. Elle multipliait mari et amant. Et pourtant, c'était pas une beauté. Ouais, d'accord, c'était quand même la fille du numéro 1. Hein. Ouais, ça valait bien que l'on fasse quelques sacrifices pour ses beaux yeux. Mmh. Enfin, beau. En outre, elle vivait de façon somptuaire et oubliait parfois de régler ses achats. Elle était mariée à Tchurbanov, nommé grâce à elle général et vice-ministre de l'Intérieur. Elle avait aussi un amant, Boris Buryata, qu'on appelait Boris le Gitan. Un vrai gitan? Non, mais il avait gardé ce surnom de ses débuts de chanteur au théâtre gitan de Moscou. Naturellement, depuis qu'il connaissait Galina, sa carrière avait évolué de façon prodigieuse et ce médiocre artiste avait été admis au Bolchoï. Galina était entichée de spectacles, surtout de spectacles de cirque. Et le directeur général du cirque soviétique était l'un de ses intimes. Oui, excusez-moi, mais enfin, jusqu'alors, rien de grave. Hein. C'est vrai. Mais enfin, le KGB a découvert que tout ce petit monde était lié à un considérable trafic de diamants et de devises. Un trafic qui aurait été couvert par le propre beau-frère de Brejnev, le général Semyon Vigoun, vice-président du KGB. Pour Andropov, l'occasion était trop belle. Ce Dvigoun était l'œil du Kremlin au KGB, et Andropov brûlait de s'en débarrasser. Il a donc soulevé le couvercle de ce panier de crabes. Il s'attaquait quand même à forte partie, hein, la fille de Brejnev, son beau-frère... C'est vrai, mais Andropov était décidé à frapper un grand coup. Il y était d'autant plus décidé que Brejnev était affaibli par la maladie et était de plus en plus souvent éloigné des affaires. Et là encore, il a agi avec une grande habileté. Et comment alors? À part Galina, à laquelle il était difficile de toucher, le gros morceau, c'était le général Vigoun. Andropov s'est débrouillé pour le faire convoquer par l'idéologue du Politburo, Souslov. L'entrevue a dû être rude, car à l'issue de cette rencontre, Vigoun s'est suicidé et Souslov est mort 8 jours plus tard d'une crise cardiaque. Ce qui ne pouvait que satisfaire Andropov, car Souslov était aussi un candidat sérieux à la succession de Brejnev. Rendez-vous avec X. Galina Tchourbanova n'a pas été inquiétée, mais elle a été hospitalisée officiellement pour une dépression nerveuse. Quant à son amant, Boris le Gitan, il a été jugé, condamné et serait mort peu après en prison. La suite, je la lis dans le livre de Virginie Couloudon, La mafia en Union soviétique. Le 17 février 1982, on arrêta à son tour Anatoli Kolevatov, proche ami de Brejnev, accusé de corruption aggravée. On apprit à son procès qu'il n'accordait aux vedettes et aux techniciens du cirque l'autorisation de voyager en tournée qu'en échange d'importants pots de vin ou d'une collaboration dans un trafic international de caviar et de pierres précieuses. À la tête de l'administration centrale du cirque, Anatoli Kolevatov avait sous sa coupe 20 000 employés, dont 6 000 entraîneurs, une splendide source de revenus. La police déclara que son attention avait été attirée par le fait que des troupes de modeste qualité effectuaient fréquemment des tournées à l'étranger quand de véritables vedettes ne sortaient pas du territoire soviétique. Lors des perquisitions effectuées dans sa datcha et son domicile principal, la police judiciaire confisqua de nombreux objets de valeur en provenance d'Occident et plus de 1 million de dollars en bijoux et devises étrangères. Deux ans plus tard, en août 1984, le tribunal condamna Anatoli Kolevatov à 13 ans de détention. Un an plus tard, la rumeur colportait à Moscou qu'Anatoli Kolevatov avait succombé en prison à un infarctus. Comme pour Buryatia, aucune source officielle n'est jamais venue ni confirmer, ni affirmer cette version des faits. Alors c'est mort là. Celle du beau-frère de Brejnev, puis celle de Souslov. Et aussi celle de l'amant de Galina, et encore celle de l'époux de l'infirmière particulière de Brejnev au cours d'un mystérieux accident de voiture. Ça fait beaucoup, ça. Et ça ne vous paraît pas suspect, à toutes ces disparitions? Oh, ben vous êtes toujours prompte à voir le mal partout. Non, franchement, je n'en sais rien. Mais il est certain que beaucoup de gens avaient intérêt à ce que ces personnages se taisent. Ah ben, donc ma question était quand même pertinente. Sans doute. Je n'ai aucun élément de réponse à vous apporter. En tout cas, cette mise en cause de l'entourage de Brejnev était essentielle dans la stratégie de conquête du pouvoir de Yuri Andropov. Non seulement parce qu'elle fragilisait tout le camp Brejnev, et en particulier ceux qui pouvaient prétendre à la succession, comme Konstantin Tchernenko, mais aussi parce qu'elle faisait de lui le monsieur propre du régime. Ouais, donc le dirigeant le plus à même de devenir le futur secrétaire général du parti. Forcément. Ouais. Sans compter que la façon dont il avait osé s'attaquer à l'entourage de Brejnev avait impressionné les vieillards du Politburo. Après tout, rares étaient ceux qui n'avaient rien à se reprocher. Il était certain qu'Andropov avait aussi les moyens de les confondre. Et c'est pourquoi la succession ne faisait aucun doute. Et ça s'est passé ainsi? Oui. Deux jours à peine après la mort de Brejnev, en novembre 1982, Yuri Andropov est intronisé. Il a gagné, là. Certes. Mais il ne se fait quand même guère d'illusions. La tâche qui l'attend est écrasante. Parce que plus qu'aucun autre hiérarque du régime, il sait que l'URSS, malgré les apparences et même malgré son énorme potentiel militaire, se trouve dans une situation catastrophique. Et ça fait déjà longtemps que Yuri Andropov le sait et qu'il a compris que l'URSS ne subsisterait qu'au prix d'une réforme radicale. Ce qu'on a appelé plus tard la perestroïka, hein? C'est-à-dire la reconstruction ou bien encore la pensée nouvelle. Ouais. Donc selon vous, alors, le véritable inventeur de la perestroïka, c'est Andropov? Incontestablement. Et ensuite, son protégé, Gorbatchev, n'a fait qu'appliquer les préceptes établis par Andropov. En y ajoutant quand même la transparence, la glasnost. C'est exact, oui. Ouais. Enfin, nous soyons bien clairs. Andropov ne se veut réformateur que parce qu'il est réaliste et lucide. Et en tant que chef de la principale organisation policière de l'URSS, il a compris que la meilleure façon de lutter contre la dissidence, c'était de faire de son pays un pays moderne et performant. De la même façon, il pense aussi que la seule façon de sauver le marxiste-léniniste, c'est de le débarrasser de toutes les scories qui l'ont dénaturé au fil des années. Donc, fondamentalement, il ne veut pas rompre avec le système? Non, bien au contraire. Il désire le perpétrer. Et pour lui, il n'y a qu'une solution. Moderniser et continuer à débarrasser le pays de la corruption. Une corruption qui coûte très cher, car la nomenclatura vit et s'enrichit sur le dos de l'État. Et la gangrène a gagné tous les rouages du système. Il s'agit donc nullement de démocratiser ou de construire un socialisme à visage humain, comme voulaient le faire par exemple les dirigeants du printemps de Prague. Hein. Absolument. Andropov n'entend pas rompre avec le dogme. Il veut simplement rendre le système plus efficace. Et son image de libéral est une fiction uniquement destinée à l'exportation, si je puis dire. Ouais. Mais je voudrais revenir sur la situation réelle de l'URSS. Est-elle vraiment aussi catastrophique que le pense Andropov ? Oui, oui, l'URSS est un pays qui stagne. Un pays paralysé par l'inertie de ses dirigeants et la lourdeur de la bureaucratie, rongé par le laisser-aller et la gabegie. Andropov dispose d'un rapport accablant, un rapport qui n'a jamais été publié, bien sûr. Un rapport établi par qui ? Par l'Académie des sciences. Les académiciens soviétiques ont effectué dans tous les domaines des comparaisons systématiques entre les États-Unis et l'URSS. Conclusion, partout le pays des soviets est dominé. Un seul secteur surnage, celui du charbon acier, le seul où l'URSS l'emporte sur les États-Unis. Mais cette puissance industrielle fait illusion, c'est une activité du passé. Mmh. Alors la tâche qui attend Andropov est immense. Oui, oui, et les réformes doivent être radicales. Mais pour cela, il faut des hommes. Or, de toute évidence, les structures du parti sont sclérosées. C'est le je-m'en-foutisme qui règne à tous les niveaux. Il s'agit donc de restaurer la discipline au travail et de rénover le personnel politique en suscitant de vrais débats au sein des organes du parti. Des débats qui permettront l'émergence d'hommes nouveaux. Parce que jusque-là, c'était impossible ? Bien sûr. Les élections des dirigeants étaient faites d'avance. Enfin bref, il faut donner un véritable coup de pied dans la fourmilière. Et en commençant par écarter les dirigeants communistes les plus incapables ou les plus corrompus. Mais Andropov en a-t-il vraiment les moyens ? Ah bah c'est la grande question. Ah, certes, il peut compter sur le soutien de l'opinion publique. Il peut également s'appuyer sur le KGB qui lui est entièrement dévoué et qu'il a profondément transformé en recrutant des hommes jeunes et entreprenants. Mais est-ce que cela suffit, tant le système est lourd ? En tout cas, dès son arrivée au Kremlin, Andropov donne un premier signal d'importance. Il s'attaque aux structures du commerce de Moscou et en chasse tous les corrompus. Est-ce qu'il s'agit là d'un véritable assainissement ou d'une simple opération de propagande ? Ah non. Là, Andropov frappe très fort. Hein. Par dizaines, les voleurs, vendeurs, responsables de dépôts, de magasins, sont arrêtés, condamnés et envoyés au goulag. Même le tout-puissant patron du gastronome, c'est-à-dire le magasin central d'alimentation de Moscou, fait partie du lot. Ensuite, Andropov s'intéresse à l'Ouzbékistan, où la corruption atteint des sommets. Mais là encore, il veut faire un exemple. Oui, il veut montrer qu'aucun dirigeant n'est plus à l'abri. L'Ouzbékistan, vous le savez sans doute, c'était le grenier à coton en URSS. La planification soviétique y avait imposé cette monoculture. Une aberration de plus, car la République ne dépendait que de la ressource cotonnière. Alors pourquoi l'Ouzbékistan Au départ, il y a un incident banal. Un chef de gare s'aperçoit que certains wagons d'un train de coton en provenance d'Ouzbékistan sont en réalité vides. Et pourtant, leurs portes avaient été plombées lors du chargement. Alors, qu'est-ce que s'est-il passé là ? Un vol au cours du voyage ? Tout est possible. Mais ça paraît quand même tellement curieux que le Kremlin décide d'effectuer une enquête sérieuse. Et deux juges anti-mafia sont envoyés là-bas. Et ce qu'ils vont découvrir est ahurissant. La récolte de coton ne représente que la moitié de ce qui est officiellement déclaré. Ah oui. Pourquoi cette fraude ? C'est simple. L'État soviétique achète chaque année du coton qui n'existe pas. Et l'argent tombe dans la poche des dirigeants de la République. En outre, ces mêmes dirigeants touchent des primes parce qu'ils ont respecté les quotas fixés par le plan. Au total, il y en a pour des milliards de roubles. Cette enquête ne se déroule pas sans difficulté. À plusieurs reprises, les deux magistrats échappent à des attentats. Et le KGB doit envoyer des équipes pour assurer leur protection. Mais une corruption à une telle échelle doit concerner de très nombreux individus. Naturellement. Et c'est toute la caste politique de l'Ouzbékistan qui est pourrie. Là-bas, tout se vend à prix d'or, à commencer par les postes de députés et même les distinctions. La conséquence, c'est que grâce au travail des deux juges, la plupart des têtes de la République sont décapitées. Une purge incroyable. Ce sont des dizaines et des dizaines de responsables qui sont traduits en justice. Mais il est évident que les dirigeants ouzbeks ne pouvaient pas agir tout seuls. C'est-à-dire ? Ils devaient forcément disposer de complicité à Moscou. À quel niveau ? Pas très haut. C'est là où je veux en venir. Au début de l'année 1984, Youri Andropov, après seulement 15 mois de pouvoir, s'éteint. Mais je crois me rappeler qu'il était malade. Oui, une maladie des reins, oui. Enfin, c'est en tout cas ce qu'on a prétendu. Et pourquoi vous avez des doutes, vous ? Je remarque simplement que des témoins attestent que le numéro 1 soviétique n'était pas si malade que ça. Et ces mêmes personnes s'étonnent que sa fin ait été aussi rapide. Vous pensez qu'il aurait pu être assassiné ? Empoisonné, oui. Il y avait en URSS, dans les services secrets, d'excellents spécialistes des poisons. En particulier des poisons de contact qui ne laissent aucune trace. Andropov gênait ? Il est certain que si l'enquête ouzbek était remontée jusqu'au Kremlin, il aurait pu embarrasser pas mal de monde. Même dans l'entourage de Youri Andropov. Il pouvait donc être tentant d'abréger les jours du secrétaire général du Parti communiste. Mais je voudrais ajouter quelque chose. Si Andropov avait des ennemis à l'intérieur, il en avait aussi à l'extérieur. Des gens qui ont exploité la paranoïa propre à tout dirigeant politique. Qui ? Bah, si vous voulez, nous en reparlerons une prochaine fois, car c'était une opération très subtile. Qui, au Kremlin, pouvait craindre d'être visé par les enquêtes des deux juges anti-mafia ? Dans son ouvrage « KGB Connexion », la politologue spécialiste de la Russie, Hélène Blanc, rappelle que Gorbatchev, le protégé de Yuri Andropov, était responsable de l'agriculture au sein du comité central. Et elle rapporte les propos d'un des juges. Évidemment, il s'occupait aussi du coton ouzbek et se rendait régulièrement, à partir de 1978, en Ouzbékistan. Aujourd'hui, plus personne ne nie les énormes machinations qui eurent lieu avec le coton en Ouzbékistan et rapportèrent des milliards de roubles. Nul ne réfute désormais qu'il était impossible de ne pas remarquer ces fraudes, tout simplement parce que les données élémentaires ne coïncidaient pas. Gorbatchev était-il seul à être aveugle en ce moment-là ? Et plus loin, Hélène Blanc remarque, en 1989, Gorbatchev perd patience et claque les portes blindées du Kremlin au nez de la justice. Dessaisis du dossier, les magistrats sont mis à pied et menacés d'être jugés à leur tour pour irrégularité dans l'enquête. Mais seul Yuri Tchourbanov, gendre du défunt Léonid Brejnev, privé de l'appui politique de son beau-père, sera sacrifié et condamné à 12 ans de prison. Le livre d'Hélène Blanc a été publié aux éditions Hors Commerce en février 2004. À samedi prochain, je vous rappelle que sur franceinter.com, vous pourrez obtenir des renseignements discographiques et bibliographiques sur cette émission. Merci, à la semaine prochaine.